Section 13. Troisième partie, livre troisième. Suite. Alexandre était descendu chez Monsieur de Talleyrand. Je n'assistais point au conciliabule. On les peut lire dans les récits de l'abbé de Prates et des divers tripotiers qui maniaient dans leurs sales et petites mains le sort d'un des plus grands hommes de l'histoire et la destinée du monde. Je comptais pour rien dans la politique en dehors des masses. Il n'y avait pas d'intrigant subalterne qui n'eût aux antichambres beaucoup plus de droits et de faveurs que moi. Homme futur de la restauration possible, j'attendais sous les fenêtres, dans la rue. Par les machinations de l'hôtel de la rue Saint-Florentin, le Sénat conservateur nomma un gouvernement provisoire composé du général Bernonville, du sénateur Jaucourt, du duc de Dalberg, de l'abbé de Montesquieu et de Dupont de Nemours. Le prince de Bénévent se nantit de la présidence. En rencontrant ce nom pour la première fois, je devrais parler du personnage qui prit dans les affaires d'alors une part remarquable. Mais je réserve son portrait pour la fin de mes mémoires. L'intrigue qui retint M. de Talleyrand à Paris lors de l'entrée des Alliés a été la cause de ses succès au début de la Restauration. L'empereur de Russie le connaissait pour l'avoir vu à Tilsit. Dans l'absence des autorités françaises, Alexandre descendit à l'hôtel de l'Infantado, que le maître de l'hôtel se hâta de lui offrir. Dès lors, M. de Talleyrand passa pour l'arbitre du monde. Ses salons devinrent le centre des négociations. Composant le gouvernement provisoire à sa guise, il y plaça les partenaires de son whist. L'abbé de Montesquieu y figura seulement comme une réclame de la légitimité. Ce fut à l'infécondité de l'évêque d'Autun que les premières œuvres de la Restauration furent confiées. Il frappa cette restauration de stérilité et lui communiqua un germe de flétrissure et de mort. Les premiers actes du gouvernement provisoire, placés sous la dictature de son président, furent des proclamations adressées aux soldats et au peuple. « Soldats, disait-elle au premier, la France vient de briser le joug sous lequel elle gémit avec vous depuis tant d'années. Voyez tout ce que vous avez souffert de la tyrannie. Soldats, il est temps de finir les maux de la patrie. Vous êtes ses plus nobles enfants. Vous ne pouvez appartenir à celui qui l'a ravagé, qui a voulu rendre votre nom odieux à toutes les nations, qui aurait peut-être compromis votre gloire si un homme, qui n'est pas même français, pouvait jamais affaiblir l'honneur de nos armes et la générosité de nos soldats. Ainsi, aux yeux de ses plus serviles esclaves, celui qui remporta tant de victoires n'est plus même français. Lorsqu'au temps de la Ligue, Dubourg rendit la Bastille à Henri IV, il refusa de quitter l'écharpe noire et de prendre l'argent qu'on lui offrait pour la reddition de la place. Sollicité de reconnaître le roi, il répondit que c'était sans doute un très bon prince, mais qu'il avait donné sa foi à M. de Mayenne, qu'au reste Brissac était un traître, et que pour le lui maintenir, il le combattrait entre quatre piques, en présence du roi, et lui mangerait le cœur du ventre. Différence des temps et des hommes. Le 4 avril parut une nouvelle adresse du gouvernement provisoire au peuple français. Elle lui disait « Au sortir de vos discordes civiles, vous aviez choisi pour chef un homme qui paraissait sur la scène du monde avec les caractères de la grandeur. Sur les ruines de l'anarchie, il n'a fondé que le despotisme. Il devait au moins par reconnaissance devenir français avec vous. Il ne l'a jamais été. Il n'a cessé d'entreprendre sans but et sans motif des guerres injustes, en aventurier qui veut être fameux. Peut-être rêve-t-il encore à ses desseins gigantesques, même quand des revers inouïs punissent avec tant d'éclat l'orgueil et l'abus de la victoire. Il n'a su régner ni dans l'intérêt national, ni dans l'intérêt même de son despotisme. Il a détruit tout ce qu'il voulait créer, et recréé tout ce qu'il voulait détruire. Il ne croyait qu'à la force. La force l'accable aujourd'hui. Juste retour d'une ambition insensée. Vérités incontestables, malédictions méritées. Mais qui les donnait, ces malédictions ? Que devenait ma pauvre petite brochure serrée entre ces virulentes adresses ? Ne disparaît-elle pas entièrement ? Le même jour, 4 avril, le gouvernement provisoire proscrit les signes et les emblèmes du gouvernement impérial. Si l'arc de triomphe eût existé, on l'aurait abattu. Meil, qui vota le premier la mort de Louis XVI, Cambacérès, qui salua le premier Napoléon du nom d'empereur, reconnurent avec empressement les actes du gouvernement provisoire. Le 6, le Sénat broche une constitution. Elle reposait à peu près sur les bases de la charte future. Le Sénat était maintenu comme chambre haute, la dignité des sénateurs était déclarée inamovible et héréditaire, à leur titre de majorat était attachée la dotation des sénatoreries. La Constitution rendait ces titres et majorats transmissibles aux descendants du possesseur. Heureusement que ces ignobles hérédités avaient en elles des parcs, comme disaient les anciens. L'effronterie sordide de ces sénateurs, qui, au milieu de l'invasion de leur patrie, ne se perdent pas de vue un moment, frappe même dans l'immensité des événements publics. N'aurait-il pas été plus commode pour les Bourbons d'adopter en arrivant le gouvernement établi, un corps législatif muet, un sénat secret et esclave, une presse enchaînée ? À la réflexion, on trouve la chose impossible. Les libertés naturelles, se redressant dans l'absence du bras qui les courbait, auraient repris leur ligne verticale sous la faiblesse de la compression. Si les princes légitimes avaient licencié l'armée de Bonaparte, comme ils auraient dû le faire, c'était l'opinion de Napoléon à l'île d'Elbe, et s'ils eussent conservé en même temps le gouvernement impérial, c'eût été trop de briser l'instrument de la gloire pour ne garder que l'instrument de la tyrannie. La charte était la rançon de Louis XVIII. Le 12 avril, le comte d'Artois arriva en qualité de lieutenant général du royaume. 300 ou 400 hommes à cheval allèrent au-devant de lui. J'étais de la troupe. Il charmait, par sa bonne grâce, différente des manières de l'Empire. Les Français reconnaissaient avec plaisir dans sa personne leurs anciennes mœurs, leur ancienne politesse et leur ancien langage. La foule l'entourait et le pressait. Consolante apparition du passé, double abri qu'il était contre l'étranger vainqueur et contre Bonaparte encore menaçant. Hélas, ce prince ne remettait le pied sur le sol français que pour y voir assassiner son fils et pour retourner mourir sur cette terre d'exil dont il revenait. Il y a des hommes à qui la vie a été jetée au cou comme une chaîne. On m'avait présenté aux frères du roi. On lui avait fait lire ma brochure, autrement il n'aurait pas su mon nom. Il ne se rappelait ni de m'avoir vu à la cour de Louis XVI, ni au camp de Thionville, et n'avait sans doute jamais entendu parler du génie du christianisme. C'était tout simple. Quand on a beaucoup et longuement souffert, on ne se souvient plus que de soi. L'infortune personnelle est une compagne un peu froide mais exigeante, elle vous obsède, elle ne laisse de place à aucun autre sentiment, ne vous quitte point, s'empare de vos genoux et de votre couche. La veille du jour de l'entrée du comte d'Artois, Napoléon, après avoir inutilement négocié avec Alexandre par l'entremise de M. de Caulaincourt, avait fait connaître l'acte de son abdication. Les puissances alliées, ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie, parce qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt des Français. À ces paroles éclatantes, l'empereur ne tarda pas de donner par son retour un démenti non moins éclatant. Il ne lui fallut que le temps d'aller à l'île d'Elbe, il resta à Fontainebleau jusqu'au 20 avril. Le 20 d'avril étant arrivé, Napoléon descendit le perron à deux branches, qui conduit au péristyle du château désert de la monarchie des Capets. Quelques grenadiers, restes des soldats vainqueurs de l'Europe, se formèrent en ligne dans la grande cour, comme sur leur dernier champ de bataille. Ils étaient entourés de ces vieux arbres, compagnons mutilés de François Ier et de Henri IV. Bonaparte adressa ses paroles aux derniers témoins de ces combats. « Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je suis content de vous. Je vous ai toujours trouvés sur le chemin de la gloire. Les puissances alliées ont armé toute l'Europe contre moi, une partie de l'armée a trahi ses devoirs, et la France elle-même a voulu d'autres destinées. Avec vous et les braves qui me sont restés fidèles, j'aurais pu entretenir la guerre civile pendant 3 ans, mais la France eût été malheureuse, ce qui était contraire au but que je me suis proposé. Soyez fidèles au nouveau roi que la France ait choisi, n'abandonnez pas notre chère patrie, trop longtemps malheureuse. Aimez-la toujours, aimez-la bien, cette chère patrie. Ne plaignez pas mon sort, je serai toujours heureux lorsque je saurai que vous l'êtes. J'aurais pu mourir, rien ne m'eût été plus facile, mais je suivrai sans cesse le chemin de l'honneur. J'ai encore à écrire ce que nous avons fait. Je ne puis vous embrasser tous, mais j'embrasserai votre général. Venez, général. » Il serre le général Petit dans ses bras. « Qu'on m'apporte l'aigle, il la baise. Cher aigle, que ces baisers retentissent dans le cœur de tous les braves. Adieu, mes enfants. Mes vœux vous accompagneront toujours. Conservez mon souvenir. » Cela dit, Napoléon lève sa tente qui couvrait le monde. Bonaparte avait demandé à l'Alliance des commissaires afin d'être protégé par eux jusqu'à l'île que les souverains lui accordaient en toute propriété et en avancement d'oirie. Le comte Chouvaloff fut nommé pour la Russie, le général Keller pour l'Autriche, le colonel Campbell pour l'Angleterre et le comte Walburg-Truchsess pour la Prusse. Celui-ci a écrit l'itinéraire de Napoléon de Fontainebleau à l'île d'Elbe. Cette brochure et celle de l'abbé de Pratt sur l'ambassade de Pologne sont les deux comptes rendus dont Napoléon a été le plus affligé. Il regrettait sans doute alors le temps de sa libérale censure quand il faisait fusiller le pauvre Palm, libraire allemand, pour avoir distribué à Nuremberg l'écrit de M. de Gentz, l'Allemagne dans son profond abaissement. Nuremberg, à l'époque de la publication de cet écrit, étant encore ville libre, n'appartenait point à la France. Palm n'aurait-il pas dû deviner cette conquête ? Le comte de Waldburg fait d'abord le récit de plusieurs conversations qui précédèrent à Fontainebleau le départ. Il rapporte que Bonaparte donnait les plus grands éloges à Lord Wellington et s'informait de son caractère et de ses habitudes. Il s'excusait de n'avoir pas fait la paix à Prague, à Dresde, à Francfort. Il convenait qu'il avait eu tort, mais qu'il avait alors d'autres vues. « Je n'ai point été usurpateur, ajoutait-il, parce que je n'ai accepté la couronne que d'après le vœu unanime de la nation, tandis que Louis XVIII l'a usurpée, n'étant appelé au trône que par un vil sénat, dont plus de 10 membres ont voté la mort de Louis XVI. » Le comte de Waldburg poursuit ainsi son récit. L'empereur se mit en route avec ses 4 autres voitures le 21 vers midi, après avoir eu encore avec le général Keller un long entretien dont voici le résumé. « Eh bien, vous avez entendu hier mon discours à la vieille garde. Il vous a plu, et vous avez vu l'effet qu'il a produit. Voilà comme il faut parler et agir avec eux. Et si Louis XVIII ne suit pas cet exemple, il ne fera jamais rien du soldat français. » Les cris de « Vive l'empereur » cessèrent dès que les troupes françaises ne furent plus avec nous. À Moulins, nous vîmes les premières cocardes blanches, et les habitants nous reçurent aux acclamations de « Vive les alliés ». Le colonel Campbell partit de Lyon en avant pour aller chercher à Toulon ou à Marseille une frégate anglaise qui put, d'après le vœu de Napoléon, le conduire dans son île. À Lyon, où nous passâmes vers les 11 heures du soir, il s'assembla quelques groupes qui crièrent « Vive Napoléon !» Le 24, vers midi, nous rencontrâmes le maréchal Augereau, près de Valence. L'empereur et le maréchal descendirent de voiture. Napoléon ôta son chapeau et tendit les bras à Augereau, qui l'embrassa, mais sans le saluer. « Où vas-tu comme ça ? » lui dit l'empereur, en le prenant par le bras. « Tu vas à la cour ?» Augereau répondit que pour le moment il allait à Lyon. Ils marchèrent près d'un quart d'heure ensemble, en suivant la route de Valence. L'empereur fit au maréchal des reproches sur sa conduite envers lui, et lui dit « Ta proclamation est bien bête. Pourquoi des injures contre moi ? » Il fallait simplement dire « Le vœu de la nation s'étant prononcé en faveur d'un nouveau souverain, le devoir de l'armée est de s'y conformer. Vive le roi ! Vive Louis XVIII !» Augereau, alors, se mit aussi à tutoyer Bonaparte et lui fit à son tour d'amers reproches sur son insatiable ambition, à laquelle il avait tout sacrifié, même le bonheur de la France entière. Ce discours fatiguant l'empereur, il se tourna avec brusquerie du côté du maréchal, l'embrassa, lui ôta encore son chapeau et se jeta dans sa voiture. Augereau, les mains derrière le dos, ne dérangea pas sa casquette de dessus sa tête. Et seulement lorsque l'empereur fut remonté dans sa voiture, il lui fit un geste méprisant de la main en lui disant adieu. Le 25, nous arrivâmes à Orange. Nous fûmes reçus au cri de « Vive le roi ! Vive Louis XVIII !» Le même jour, le matin, l'empereur trouva un peu en avant d'Avignon, à l'endroit où l'on devait changer de chevaux, beaucoup de peuples rassemblés, qui l'attendaient à son passage et qui nous accueillit au cri de « Vive le roi ! Vive les alliés, à bas le tyran, le coquin, le mauvais gueux !» Cette multitude vomit encore contre lui 1000 invectives. Nous fîmes tout ce que nous pûmes pour arrêter ce scandale et diviser la foule qui assaillait sa voiture. Nous ne pûmes obtenir de ces forcenés qu'ils cessassent d'insulter l'homme qui, disait-il, les avait rendus si malheureux et qui n'avait d'autre désir que d'augmenter encore leur misère. Dans tous les endroits que nous traversâmes, il fut reçu de la même manière. À Orgon, petit village où nous changeâmes de chevaux, la rage du peuple était à son comble. Devant l'auberge même où il devait s'arrêter, on avait élevé une potence à laquelle était suspendu un mannequin en uniforme français, couvert de sang, avec une inscription placée sur la poitrine et ainsi conçue « Tel sera tôt ou tard le sort du tyran ». Le peuple se cramponnait à la voiture de Napoléon et cherchait à le voir pour lui adresser les plus fortes injures. L'empereur se cachait derrière le général Bertrand le plus qu'il pouvait. Il était pâle et défait, ne disant pas un mot. À force de pérorer le peuple, nous parvînmes à le tirer de ce mauvais pas. Le comte Chouvaloff, à côté de la voiture de Bonaparte, harangua la populace en ces termes. « N'avez-vous pas honte d'insulter un malheureux sans défense ? Il est assez humilié par la triste situation où il se trouve, lui qui s'imaginait donner des lois à l'univers et qui se trouve aujourd'hui à la merci de votre générosité. Abandonnez-le à lui-même, regardez-le. Vous voyez que le mépris est la seule arme que vous devez employer contre cet homme qui a cessé d'être dangereux. Il serait au-dessous de la nation française d'en prendre une autre vengeance. » Le peuple applaudissait à ce discours et Bonaparte, voyant l'effet qu'il produisait, faisait des signes d'approbation à Chouvaloff et le remercia ensuite du service qu'il lui avait rendu. À un quart de lieue en deçà d'Orgon, il crut indispensable la précaution de se déguiser. Il mit une mauvaise redingote bleue, un chapeau rond, sur sa tête avec une cocarde blanche et monta un cheval de poste pour galoper devant sa voiture, voulant passer ainsi pour un courrier. Comme nous ne pouvions le suivre, nous arrivâmes à Saint-Canat bien après lui. Ignorant les moyens qu'il avait pris pour se soustraire au peuple, nous le croyons dans le plus grand danger, car nous voyions sa voiture entourée de gens furieux qui cherchaient à ouvrir les portières. Elles étaient heureusement bien fermées, ce qui sauva le général Bertrand. La ténacité des femmes nous étonna le plus. Elles nous suppliaient de le leur livrer, disant « Il l'a si bien mérité envers nous et envers vous-même que nous ne vous demandons qu'une chose juste. » À une demi-lieue de Saint-Canat, nous atteignîmes la voiture de l'empereur qui, bientôt après, entra dans une mauvaise auberge située sur la grande route et appelée la Calade. Nous l'y suivîmes, et ce n'est qu'en cet endroit que nous apprîmes et le travestissement dont il s'était servi et son arrivée dans cette auberge à la faveur de ce bizarre accoutrement. Il n'avait été accompagné que d'un seul courrier. Sa suite, depuis le général jusqu'au marmiton, était parée de cocardes blanches dont il paraissait s'être approvisionné à l'avance. Son valet de chambre, qui vint au-devant de nous, nous pria de faire passer l'empereur pour le colonel Campbell, parce qu'en arrivant, il s'était annoncé pour tel à l'hôtesse. Nous promîmes de nous conformer à ce désir et j'entrai le premier dans une espèce de chambre où je fus frappé de trouver le ci-devant souverain du monde plongé dans de profondes réflexions, la tête appuyée dans ses mains. Je ne le reconnus pas d'abord, et je m'approchai de lui. Il se leva en sursaut en entendant quelqu'un marcher et me laissa voir son visage arrosé de larmes. Il me fit signe de ne rien dire, me fit asseoir près de lui, et tout le temps que l'hôtesse fut dans la chambre, il ne me parla que de choses indifférentes. Mais lorsqu'elle sortit, il reprit sa première position. Je jugeai convenable de le laisser seul. Il nous fit cependant prier de passer de temps en temps dans sa chambre pour ne pas faire soupçonner sa présence. Nous lui fîmes savoir qu'on était instruit que le colonel Campbell avait passé la veille justement par cet endroit pour se rendre à Toulon. Il résolut aussitôt de prendre le nom de Lord Burgers. On se mit à table, mais comme ce n'était pas ses cuisiniers qui avaient préparé le dîner, il ne pouvait se résoudre à prendre aucune nourriture dans la crainte d'être empoisonné. Cependant, nous voyant manger de bon appétit, il eut honte de nous faire voir les terreurs qui l'agitaient et prit de tout ce qu'on lui offrit. Il fit semblant d'y goûter, mais il renvoyait les mets sans y toucher. Quelquefois, il jetait dessous la table ce qu'il avait accepté pour faire croire qu'il avait mangé. Son dîner fut composé d'un peu de pain et d'un flacon de vin qu'il fit retirer de sa voiture et qu'il partagea même avec nous. Il parla beaucoup et fut d'une amabilité très remarquable. Lorsque nous fûmes seuls et que l'hôtesse qui nous servait fut sortie, Il nous fit connaître combien il croyait sa vie en danger. Il était persuadé que le gouvernement français avait pris des mesures pour le faire enlever ou assassiner dans cet endroit. 1000 projets se croisaient dans sa tête sur la manière dont il pourrait se sauver. Il rêvait aussi au moyen de tromper le peuple d'Aix, car on l'avait prévenu qu'une très grande foule l'attendait à la poste. Il nous déclara donc que ce qui lui paraissait le plus convenable, c'était de retourner jusqu'à Lyon et de prendre de là une autre route pour s'embarquer en Italie. Nous n'aurions pu, en aucun cas, consentir à ce projet, et nous cherchâmes à le persuader de se rendre directement à Toulon ou d'aller par Digne à Fréjus. Nous tâchâmes de le convaincre qu'il était impossible que le gouvernement français pût avoir des intentions si perfides à son égard sans que nous en fussions instruits, et que la populace, malgré les indécences auxquelles elle se portait, ne se rendrait pas coupable d'un crime de cette nature. Pour nous mieux persuader, et pour nous prouver jusqu'à quel point ses craintes selon lui étaient fondées, il nous raconta ce qui s'était passé entre lui et l'hôtesse qui ne l'avait pas reconnue. « Eh bien, lui avait-elle dit, avez-vous rencontré Bonaparte ?»« Non, avait-il répondu. Je suis curieuse, continua-t-elle, de voir s'il pourra se sauver. Je crois toujours que le peuple va le massacrer. Aussi faut-il convenir qu'il l'a bien mérité, ce coquin-là. Dites-moi donc, on va l'embarquer pour son île ?»« Mais oui. On le noiera, n'est-ce pas ?»« Je l'espère bien, lui répliqua Napoléon. Vous voyez donc, ajouta-t-il, à quel danger je suis exposé. » Alors il recommença à nous fatiguer de ses inquiétudes et de ses irrésolutions. Il nous pria même d'examiner s'il n'y avait pas quelque part une porte cachée par laquelle il pourrait s'échapper, ou si la fenêtre dont il avait fait fermer les volets en arrivant n'était pas trop élevée pour pouvoir sauter et s'évader ainsi. La fenêtre était grillée en dehors, et je le mis dans un embarras extrême en lui communiquant cette découverte. Au moindre bruit, il tressaillait et changeait de couleur. Après dîner, nous le laissâmes à ses réflexions, et comme de temps en temps nous entrions dans sa chambre, d'après le désir qu'il en avait témoigné, nous le trouvions toujours en pleurs. L'aide-de-camp du général Chouvaloff vint dire que le peuple qui était ameuté dans la rue était presque entièrement retiré. L'empereur résolut de partir à minuit. Par une prévoyance exagérée, il prit encore de nouveaux moyens pour ne pas être reconnu. Il contraignit, par ses instances, l'aide-de-camp du général Chouvaloff de se vêtir de la redingote bleue et du chapeau rond avec lesquels il était arrivé dans l'auberge. Bonaparte, qui alors voulut se faire passer pour un colonel autrichien, mit l'uniforme du général Keller, se décora de l'ordre de Sainte-Thérèse que portait le général, mit une casquette de voyage sur sa tête et se couvrit du manteau du général Chouvaloff. Après que les commissaires des puissances alliées l'eurent ainsi équipé, les voitures s'avancèrent. Mais, avant de descendre, nous fîmes une répétition dans notre chambre de l'ordre dans lequel nous devions marcher. Le général Drouot ouvrait le cortège. Venait ensuite le soi-disant empereur, l'aide-de-camp du général Chouvaloff, ensuite le général Keller, l'empereur, le général Chouvaloff et moi, qui avaient l'honneur de faire partie de l'arrière-garde à laquelle se joignit la suite de l'empereur. Nous traversâmes ainsi la foule ébahie qui se donnait une peine extrême pour tâcher de découvrir parmi nous celui qu'elle appelait son tyran. L'aide-de-camp de Chouvaloff, le major Oleviev, prit la place de Napoléon dans sa voiture et Napoléon partit avec le général Keller dans sa calèche. Toutefois, l'empereur ne se rassurait pas. Il restait toujours dans la calèche du général autrichien et il commanda au cocher de fumer afin que cette familiarité pût dissimuler sa présence. Il pria même le général Keller de chanter, et comme celui-ci lui répondit qu'il ne savait pas chanter, Bonaparte lui dit de siffler. C'est ainsi qu'il poursuivit sa route, caché dans un des coins de la calèche, faisant semblant de dormir, bercé par l'agréable musique du général et encensé par la fumée du cocher. À Saint-Maximin, il déjeuna avec nous. Comme il entendit dire que le sous-préfet d'Aix était dans cet endroit, il le fit appeler et l'apostropha en ces termes. « Vous devez rougir de me voir en uniforme autrichien. J'ai dû le prendre pour me mettre à l'abri des insultes des provinciaux. J'arrivais avec pleine confiance au milieu de vous, tandis que j'aurais pu emmener avec moi 6000 hommes de ma garde. Je ne trouve ici que des tas d'enragés qui menacent ma vie. C'est une méchante race que les provinciaux. Ils ont commis toutes sortes d'horreurs et de crimes dans la Révolution et sont tout prêts à recommencer. Mais quand il s'agit de se battre avec courage, alors ce sont des lâches. Jamais la Provence ne m'a fourni un seul régiment dont j'aurais pu être content. mais ils seront peut-être demain aussi acharnés contre Louis XVIII qu'ils le paraissent aujourd'hui contre moi, etc. Ensuite, se tournant vers nous, il nous dit que Louis XVIII ne ferait jamais rien de la nation française s'il la traitait avec trop de ménagement. Puis, continua-t-il, il faut nécessairement qu'il lève des impôts considérables, et ces mesures lui attireront aussitôt la haine de ses sujets. Il nous raconta qu'il y avait 18 ans qu'il avait été envoyé en ce pays avec plusieurs milliers d'hommes pour délivrer 2 royalistes qui devaient être pendus pour avoir porté la cocarde blanche. Je les sauvai avec beaucoup de peine des mains de ces enragés. Et aujourd'hui, continua-t-il, ces hommes recommenceraient les mêmes excès contre celui d'entre eux qui se refuserait à porter la cocarde blanche. Telle est l'inconstance du peuple français. Nous apprîmes qu'il y avait au Luc 2 escadrons de hussards autrichiens. Et d'après la demande de Napoléon, nous envoyâmes l'ordre au commandant d'y attendre notre arrivée pour escorter l'empereur jusqu'à Fréjus. Ici finit la narration du comte de Walbourg. Ces récits font mal à lire. Quoi ? Les commissaires ne pouvaient-ils mieux protéger celui dont ils avaient l'honneur de répondre ? Qu'était-il pour affecter des airs si supérieurs avec un pareil homme ? Bonaparte dit avec raison que s'il l'eût voulu, il aurait pu voyager accompagné d'une partie de sa garde. Il est évident qu'on était indifférent à son sort. On jouissait de sa dégradation. On consentait avec plaisir aux marques de mépris que la victime requérait pour sa sûreté. Il est si doux de tenir sous ses pieds la destinée de celui qui marchait sur les plus hautes têtes, de se venger de l'orgueil par l'insulte. Aussi, les commissaires ne trouvent pas un mot, même un mot de sensibilité philosophique, sur un tel changement de fortune, pour avertir l'homme de son néant et de la grandeur des jugements de Dieu. Dans les rangs des alliés, les anciens adulateurs de Napoléon avaient été nombreux. Quand on s'est mis à genoux devant la force, on n'est pas reçu à triompher du malheur. La Prusse, j'en conviens, avait besoin d'un effort de vertu pour oublier ce qu'elle avait souffert, elle, son roi et sa reine. Mais cet effort devait être fait. Hélas, Bonaparte n'avait eu pitié de rien. Tous les cœurs s'étaient refroidis pour lui. Le moment où il s'est montré le plus cruel, c'est à Jaffa. Le plus petit, c'est sur la route de l'île d'Elbe. Dans le premier cas, les nécessités militaires lui ont servi d'excuse. Dans le second, la dureté des commissaires étrangers donne le change au sentiment des lecteurs et diminue son abaissement. Le gouvernement provisoire de France ne me semble pas lui-même tout à fait irréprochable. Je rejette les calomnies de Maubreuil. Néanmoins, dans la terreur qu'inspirait encore Napoléon à ses anciens domestiques, une catastrophe fortuite aurait pu ne se présenter à leurs yeux que comme un malheur. On voulait douter de la vérité des faits rapportés par le comte de Walburtruchsess, mais le général Koller a confirmé dans une suite de l'itinéraire de Walbourg une partie de la narration de son collègue. De son côté, le général Chouvalov m'a certifié l'exactitude des faits. Ses paroles contenues en disaient plus que le récit expansif de Walbourg. Enfin, l'itinéraire de Fabry est composé sur des documents français authentiques fournis par des témoins oculaires. Maintenant que j'ai fait justice des commissaires et des alliés, est-ce bien le vainqueur du monde que l'on aperçoit dans l'itinéraire de Walbourg ? Le héros réduit à des déguisements et à des larmes, pleurant sous une veste de courrier au fond d'une arrière-chambre d'auberge ? Était-ce ainsi que Marius se tenait sur les ruines de Carthage ? Cannibal mourut en Bithynie ? César au Sénat ? Comment Pompée se déguisa-t-il ? En se couvrant la tête de sa toge. Celui qui avait revêtu la pourpre, se mettant à l'abri sous la cocarde blanche, poussant le cri de « Salut, vive le roi !» ce roi dont il avait fait fusiller un héritier. Le maître des peuples encourageant les humiliations que lui prodiguaient les commissaires afin de le mieux cacher, enchanté que le général Koller siffla devant lui, qu'un cocher lui fumât à la figure, forçant l'aide-de-camp du général Chouvalov à jouer le rôle de l'empereur, tandis que lui, Bonaparte, portait l'habit d'un colonel autrichien et se couvrait du manteau d'un général russe. Il fallait cruellement aimer la vie. Ces immortels ne peuvent consentir à mourir. Moreau disait de Bonaparte, « Ce qui le caractérise, c'est le mensonge et l'amour de la vie. Je le battrai et je le verrai à mes pieds me demander grâce. » Moreau pensait de la sorte, ne pouvant comprendre la nature de Bonaparte. Il tombait dans la même erreur que Lord Byron. Au moins, à Sainte-Hélène, Napoléon a grandi par les muses, bien que peu noble dans ses démêlés avec le gouverneur anglais, n'eut à supporter que le poids de son immensité. En France, le mal qu'il avait fait lui apparut personnifié dans les veuves et les orphelins, et le contraignit de trembler sous les mains de quelques femmes. Cela est trop vrai, mais Bonaparte ne doit pas être jugé d'après les règles que l'on applique au grand génie, parce que la magnanimité lui manquait. Il y a des hommes qui ont la faculté de monter et qui n'ont pas la faculté de descendre. Lui, Napoléon, possédait les deux facultés. Comme l'ange rebelle, il pouvait raccourcir sa taille incommensurable pour la renfermer dans un espace mesuré. Sa ductilité lui fournissait des moyens de salut et de renaissance. Avec lui, tout n'était pas fini quand il semblait avoir fini. Changeant à volonté de mœurs et de costumes, aussi parfait dans le comique que dans le tragique, cet acteur savait paraître naturel sous la tunique de l'esclave comme sous le manteau de roi, dans le rôle d'Attal ou dans le rôle de César. Encore un moment, et vous verrez, du fond de sa dégradation, le nain relever sa tête de briarée. Asmodée sortira en fumée énorme du flacon où il s'était comprimé. Napoléon estimait la vie pour ce qu'elle lui rapportait. Il avait l'instinct de ce qui lui restait encore à peindre. Il ne voulait pas que la toile lui manquât avant d'avoir achevé ses tableaux. Fin de la section 13.